les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Qu'est-ce que la rescousse ? Que fut la guerre des farines ? De qui a-t-on chanté, sur un air connu, la moustache ensoleillée ? Les palpitations sociales en ville furent-elles plus véhémentes que les crépitements contestataires à la campagne ? Est-ce un peuple muet que le peuple paysan ? Non, de tout temps, le peuple paysan a parlé haut et fort. Le 27 septembre 2003, Jean-Noël Jeannenet nous invitait à comparer, comme à l'habitude, plusieurs époques. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. En consul, gouverneur, regardez autour de vous. Le spectacle qui s'offre à vos yeux ne suffit-il pas à évoquer la majesté de Rome ? Il n'est pas un paysan ordinaire. Et qu'avait-il fait déjà ? Il avait brûlé le château de Littoral. Ah oui, c'est cela, oui. Une révolte des paysans. Et qui sont exactement les mêmes que celle dont nous fûmes comblés, sans en être accablés. Depuis le 18 juin 1940, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannenet. Un beau livre est paru récemment qui vient tout à fait à propos replacer dans la longue durée de l'histoire les révoltes paysannes que connaît ce temps-ci la France. Jean-Nicolas, mon invité ce matin, professeur émérite à l'université de Paris 7, nous offre le fruit d'une quinzaine d'années de travail dans un ouvrage intitulé justement « La rébellion française » avec comme sous-titre « Mouvement populaire et conscience sociale 1661-1789 ». Et bien sûr, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion au micro de Concordance des temps de vous proposer un va-et-vient comparatif entre l'Ancien Régime et nos jours. Autrement dit, le flamboyant José Bové est-il l'héritier direct des ruraux qui se sont soulevés si souvent contre le pouvoir royal, ou bien l'évolution de l'économie contemporaine, réduisant les paysans à un rôle très diminué dans la production des richesses, en tout cas en termes statistiques, a-t-elle complètement changé la donne ? Il est certain, par exemple, que nos ancêtres des campagnes, toujours angoissés par le risque de pénurie et de famine, auraient été vraiment stupéfaits de voir ces fruits et ces légumes répandus par les agriculteurs dans les rues des capitales régionales, tant l'idée de surproduction leur était étrangère. Comme dans le tiers-monde d'aujourd'hui, c'était la famine qui était le spectre majeur. Et dans le même temps, le fameux démontage d'un certain McDo à Millau renvoie directement aux actes symboliques par lesquels les ruraux de jadis protestaient contre une économie qu'ils jugeaient à la fois déshumanisée et oppressante. Alors, rupture radicale ou continuité sous-jacente ? C'est exactement la question que, suivant notre coutume, nous allons tâcher d'éclairer. Quand un McDo vient s'installer dans le midi, il ne doit pas s'étonner qu'on le démantèle. Quand un savant veut trafiquer un plan de riz, il y a des chances qu'on lui arrache sa parcelle. Il suffit d'un homme pour semer le bonheur, un homme simple qui porte un collier de fleurs. Pour José Bové, à la moustache ensoleillée, et puis le sage, le roi page, que l'on attendait. Oh José Bové, c'est une fée qui t'a donné le soutien de la confée. Oh José Bové, oh aujourd'hui à Seattle et demain à Millau. Oui, à Millau. Ce Beauvais est un voyageur infatigable. Fatigable. Mais si quelqu'un prononce le mot Aligo, il annule les interviews et passe à table. Et pour vous prouver que c'est bien lui le plus fort, dans son tabac il met toujours du rock fort. Oh, José Bové, à la moustache ensoleillée, tu es le sage, le roi mage que l'on a tamé. Oh, José Bové, c'est une fée qui t'a donné ces fromages au lait entier. Nicolas, bonjour. Bonjour, je suis heureux de cette rencontre. Vous avez probablement reconnu Tino Rossi au Méditerranée, parodié ici par le groupe Chanson Plus Bifluoré, pour célébrer José Bové. Oh, José Bové, la moustache ensoleillée, tu es le sage, le roi mage que l'on attendait. Oh, José Bové, c'est une fée qui t'a donné le soutien de la Confédération. Oh, José Bové. Voilà, plongé tout de suite dans l'actualité des révoltes paysannes. Mais avant d'y venir, je voudrais signaler que en épigraphe de votre livre, vous avez choisi de citer Héraclite. Toutes choses sont engendrées par la discorde. Vous êtes obsessionnel de la rébellion et de la discorde, Jean-Nicolas ? Non, pas vraiment. La rébellion n'est pas pour moi un credo. Je ne suis pas un accro des ruptures. Il ne s'agit pas dans ce livre d'une exaltation systématique de la transgression. À la bonne heure. Je ne crois pas que l'histoire soit à déchiffrer sous le seul angle du conflit. Il y a le dialogue, il y a la concertation, il y a la réforme pour prévenir et éviter les violences. D'ailleurs, en d'autres temps, je me suis consacré à l'étude d'une politique réformiste au XVIIIe siècle en terre de Savoie, conduite par la maison de Savoie, la monarchie de Piémont-Sardaigne, une politique intelligente de modernisation de l'État, de cadastration des terres, d'abolition des droits féodaux, 20 ans avant la Révolution française. Donc la réforme, ça peut marcher, c'est ça que vous disiez dans votre thèse. Le réformisme bien tempéré, tout à fait exemplaire, la réforme peut marcher. Donc vous citez Héraclite, mais vous ne l'agréez pas forcément. Toute chose engendrée par la discorde, d'autres ressorts peuvent fonctionner en histoire. D'autres ressorts peuvent fonctionner en histoire, mais la discorde est toujours révélatrice tout de même d'une situation sociale, de tension fondamentale. Et la discorde et le conflit tout de même rendent visibles les faiblesses du maillage social. C'est la conviction qui va évidemment sous-tendre cette conversation ce matin, et c'est pourquoi je suis parti de José Bové, qui incarne une certaine forme de contestation, sinon de révolte, oui, de révolte aussi. Quand on démonte le McDo, c'est le début de la chanson, quand un McDo vient s'installer dans le Midi, il ne doit pas s'étonner qu'on le démantèle. Bien sûr. Et ça, José Bové est aujourd'hui nous sommes loin du XVIIIe siècle auquel je me suis intéressé, mais enfin, c'est le type même du réfractaire en phase avec les temps actuels. C'est pas un funambule, c'est pas un preneur de vent. On n'aurait pas mieux fait si on avait voulu créer l'image d'un leader charismatique. Il faut bien reconnaître. Alors, en vous lisant, on découvre qu'il y a eu finalement moins de leaders charismatiques d'ailleurs dans votre XVIIe et XVIIIe siècle. Sauf peut-être Mandrin, mais c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mandrin s'est attaqué en tant que chef de contrebandier à la ferme générale et à la fiscalité indirecte. Il a d'ailleurs fini plus tragiquement que José Bové dans sa prison. Bien entendu. Roué sur la place des Clercs à Valence en 1755. On insistera mais sur cette immédiatement, différence. Sa réputation a été extraordinaire. Enfin, des complaintes, des chansons aussi ont été composées, chantées au carrefour, sur les foires. Pendant tout le XVIIIe siècle et jusqu'à nos jours encore. Mais les autres rébellions sont rarement incarnées dans un personnage charismatique, comme vous disiez. Rarement. Il s'agit de foules en émoi, il s'agit de masses qui agissent de manière en apparence spontanée, même si le mouvement s'inscrit dans une tradition ancienne. Et les leaders occasionnels se fondent dans cet ensemble et sont difficilement repérables. Et lorsque la police ou la justice tente évidemment de les découvrir, elle tape un peu au hasard. On arrive toujours à en pincer quelques-uns qu'on va juger, qu'on va condamner, qu'on va présenter sur les au carrefour avec sur la poitrine et dans le dos des écriteaux signalant leurs méfaits, leurs attentats à l'ordre social, à l'ordre public, n'est-ce pas? Mais en réalité, étaient-ils vraiment les premiers responsables? En fait, il s'agit de mouvements de foule beaucoup plus spontanés. De ce point de vue-là, il y a évidemment une différence qui tient à la nature des médias contemporains qui ont à la fois tendance à cristalliser un mouvement sur une personnalité et même besoin de le faire. À l'époque, il y avait des circulations des nouvelles, c'était plutôt les colporteurs, ça n'avait pas le même effet, sauf peut-être au profit de Mandrin, justement. C'est ça. Donc un mouvement, enfin une circulation orale des événements dont on n'a pas gardé la trace. Mais on peut supposer, on peut penser que le dialogue était incessant, était constant, et que toutes ces actions répétées étaient prises en compte par les populations, par les masses. En fait, on était informés localement, même si nous n'avons pas, nous, la trace de cette circulation des nouvelles et des idées. Votre livre, Jean-Nicolas, est un extraordinaire répertoire de l'extrême diversité des conflits qu'a connu la France à l'époque dans le monde rural et en débordant souvent sur les bourgs. Vous identifiez 72 types de conflits que vous regroupez en 13 grands ensembles. Alors, je voudrais que vous évoquiez un peu l'importance respective de ce qu'on peut appeler les déclencheurs de la rébellion. Oui, donc ce travail qui est un travail d'enquête collective aussi. J'ai fait appel à des étudiants, à des collègues, à des érudits locaux, en leur proposant cette recherche collective à partir d'une thématique, à partir d'une définition des faits à repérer, à observer, nous a permis de partir sur la base donc d'une thématique assez détaillée dont vous parliez à l'instant, regroupée en 13 catégories fondamentales d'actes émeutiers. Alors, en tête le fisc, ça c'est très frappant, le fisc. En tête le fisc, la fiscalité. La fiscalité, fiscalité indirecte, pour l'essentiel, elle était extraordinairement lourde. Fiscalité directe aussi, la taille qui était payée par l'ensemble des populations roturières, la noblesse étant très largement exemptée, de même que le clergé, donc la fiscalité. Les affaires antifiscales qui correspondent à 40% des rébellions, des milliers de rébellions que nous avons repérées. 40%, ça renverrait plutôt au mouvement poujadiste sous la 4e République, plutôt qu'au mouvement actuel de la paysannerie. C'est cela, on s'attaque donc aux percepteurs, on s'attaque aux gabelous, on s'attaque à tout ce personnel fiscal qui était extraordinairement, qui était proliférant dans la France d'Ancien Régime. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier évidemment que le pays était divisé en secteurs douaniers distincts, aux limites desquels se déchaînait une fraude constante et évidemment une espèce de guerre constante entre fraudeurs et gardes et employés des gabelles. Il ne s'est pas bon tomber dans la main des rebelles, des révoltés, lorsqu'on était gabelou et un peu isolé. Vous citez des cas de véritables lynchages. De véritables lynchages avec des phénomènes de rescousse collective. C'est-à-dire, pour peu qu'un groupe de contrebandiers soit attaqué par des gardes, la foule prenait très rapidement leur parti. Et se dresser, c'était alors le jeu des bâtons, les pierres, enfin les faux, en milieu rural, les employés étaient constamment sur le qui-vive et constamment menacés. Donc ça c'est le fisc. Le fisc c'est essentiel, 40% des cas. Ensuite viennent les préoccupations alimentaires, ça c'est les émeutes de marché, les attaques de greniers lorsque on craint la faim. On craint la faim en ville et on craint la faim aussi dans les campagnes. Parce que les paysans, la petite paysannerie, la paysannerie pauvre, était une paysannerie vendeuse au lendemain des récoltes, mais était aussi une paysannerie acheteuse pendant une bonne partie de l'année. Donc les variations des prix alimentaires, des prix du blé, du prix du pain, l'affectaient directement. Donc des émeutes rurales, des émeutes contre la cherté, en plein milieu paysan. Alors à ce propos, Jean-Nicolas, je voudrais vous faire entendre un extrait de Jacoule Croquant, vous savez, le fameux roman à succès d'Eugène Leroy qui remonte à l'extrême fin du 19e siècle et qui met en scène le personnage du paysan révolté. C'est un extrait du film que Stelio Lorenzi a tiré du roman pour la télévision dans les années 70. On va entendre le père de Jacques Croquant en train de dialoguer avec le comte, Jacques le père qui est un métayer. On est en 1815, au moment du retour de l'émigration, et c'est là que Jacques Croquant va trouver l'énergie de sa révolte future qui surviendra sous la monarchie de Juillet. Bonjour mes amis. Bonjour monsieur le comte. Il y a qui a-t-il de Marie ? Oh, c'est indifférent avec ce métayer là. Vous savez monsieur le comte, c'est à propos des capoutes de Jacques. Oui, qui es-tu ? Martin Ferral. Ferral ? Je suis métayer à Combenègre. Oui, c'est la dernière métairie avant la forêt, là, monsieur le comte. Oui, je vois. Mais dis-moi, Ferral, tu es un parent de Ferral le Croquant ? C'était mon arrière-grand-père. Tu n'es pas un paysan ordinaire. Et qu'avait-il fait déjà ? Il avait brûlé le château de Vitrac. Ah oui, c'est cela, oui. Une révolte des paysans, n'est-ce pas ? Oui. Ouais, comme il est triste d'en arriver à de pareilles extrémités. Mais Vitrac était très dur, je crois. Il a été pendu. Vitrac, je sais pas. Dans votre gueule. Oui, monsieur le comte. Ah, il fallait des hommes courageux à l'époque, car on commettait bien des abus. Mais heureusement, les choses ont changé. Vous n'êtes plus corvéable à merci. Vous êtes libre maintenant. Libre d'accepter, ou bien de refuser, un contrat de métayer. Et c'est très bien ainsi. Oui, mais à condition qu'on respecte le contrat. Il doit un sac de blé, il ne veut pas le rendre. Pourquoi, Ferral ? Je ne l'ai pas, monsieur le comte. Il ment et il l'a ! Mais non, je ne l'ai pas ! Comment je l'aurai avec tout ce que vous me prenez ? Jean-Nicolas, vous avez reconnu l'intervention du garde, évidemment, qui joue le rôle un peu de Schumacher dans la règle du jeu de Jean Renoir. Et vous avez noté aussi l'allusion à la révolte d'avant 89. Il y a une sorte de continuité, de répétition des réactions paysannes contre la domination aristocratique. Oui, c'est bien la force du souvenir, de la mémoire collective, le souvenir des révoltes, le souvenir des levées de fourches, le souvenir de la guerre et des brûlements de châteaux. De nos jours encore, je crois que les paysans savent aussi encore parler des seigneurs. Et lorsque ils évoquent la position ou les prétentions d'un voisin exigeant, présomptueux et inquiétant, c'est le mot de seigneur qui leur vient à la bouche. Vous avez observé en somme que le rebond du souvenir de ce qui s'était passé avant a été à son tour un ressort des révoltes pendant ce XVIIe et XVIIIe siècle. Assurément, il y a dans ces révoltes, au fond, ce sont un peu tridimensionnelles, si vous voulez. Il y a une inquiétude permanente, des hantises constantes, celles des pauvres, n'est-ce pas, qui pensent constamment qu'un complot est dirigé contre eux et qu'on en veut à leur vie. Il y a d'autre part... Les affameurs, c'est ça. On les affame, on veut les affamer. On veut les affamer. Il y a des accapareurs, on leur en veut. Il y a d'autre part, évidemment, des ressorts immédiats, c'est-à-dire des circonstances très proches, n'est-ce pas ? Une cherté inattendue, des prétentions seigneuriales auxquelles on ne songeait plus et qui s'exercent contre leurs droits. La défense des biens communaux, par exemple, la défense des terres collectives, qui étaient menacées par les seigneurs dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en vertu d'un droit de triage au nom duquel on y prétendait avoir le droit, les seigneurs prétendaient avoir le droit d'accaparer le tiers des biens communaux, donc dans l'immédiat réaction collective. Et puis alors, troisièmement, une espérance du changement, non seulement conserver, non seulement maintenir ce que l'on est, et dans le mur même on est menacé, mais transformer les choses, abolir un certain nombre de contraintes, donc une espèce non pas seulement de conservatisme inquiet, mais une espérance collective qui s'inscrit alors directement dans l'ordre du politique. C'est intéressant pour aujourd'hui, parce que ce ne sont pas seulement des mouvements, si je vous entends bien, qui sont crispés sur le maintien passéiste, en évoquant un âge supposé doré, mais qui portent vraiment une espérance de mieux vivre. une espérance de mieux vivre. Donc, vous voyez, une triple dimension, une espèce de goût de l'avenir. On a trop souvent dit que les mouvements paysans étaient des mouvements fondamentalement conservateurs, inquiets, recroquevillés, enfin rétractés contre la nouveauté. Donc ça serait intéressant, pardon de l'interrompre, mais c'est intéressant si on rapproche de José Bové, parce que beaucoup de mondialistes d'aujourd'hui lui reprochent précisément de porter toutes les nostalgies du passé, de refuser l'évolution de la modernité. Je pense qu'à son tour, il n'accepterait pas que ce reproche. Je pense qu'il l'accepterait d'autant moins qu'il se situe dans un contexte parfaitement international. Enfin, il est même étrange et étonnant et assez vraiment surprenant de constater que l'altermondialisme surgisse de cette tradition paysanne et de ce syndicalisme paysan, de cette nouvelle forme de syndicalisme paysan. Autrement dit, nous défendons la terre, mais en même temps nous défendons notre terre, mais nous défendons plus généralement la planète entière, ses droits, au nom de la sauvegarde du sol, au nom de l'avenir du monde et de la collectivité. Que soient les formidables changements de l'économie mondiale, il y a de ce point de vue-là une continuité. Alors, plaçons-nous un instant au point de départ de cette révolte paysanne, c'est-à-dire au début des années 70, au moment de la fameuse affaire du Larzac. Je vais vous faire entendre un chant de protestation des 103 paysans du Larzac, des comités Larzac, 74. Nous sommes 103 paysans invités à foutre le camp. Debré a dit, j'ai décidé, je veux la terre pour mon armée. Mais nous avons tous refusé, pas question de se faire acheter. Pour nous la terre n'a pas de prix, pour nous la terre est notre vie. Le Larzac restera, notre terre servira à la vie. Des moutons, pas des canons, jamais nous ne partirons. Degré de force, nous garderons l'Arzac. Degré de force, nous garderons l'Arzac. Nous voici une fois de plus sur ce plateau du Larzac. L'an dernier... Nous garderons le Larzac, Jean-Nicolas, on est là dans une tradition modernisée naturellement, d'attachement à la terre, de refus de n'en être dépossédé. Ça, c'est un ressort fondamental. C'est un ressort fondamental que l'on retrouve aussi à l'époque, aux époques anciennes. Bien entendu, il y avait la crainte de l'accaparement des terres par grands propriétaires voisins, il y avait l'attachement à la propriété collective du sol et la crainte de voir ces biens communaux mis en vente pour peut-être alléger les dettes de la communauté. Enfin, l'attachement au sol est évidemment une donnée fondamentale du combat paysan. Donc le fait qu'ici il faille résister à l'arrivée des militaires, c'est au fond une donnée un peu anecdotique par rapport à... Quel que soit le motif du refus, c'est la continuité qui vous frappe. C'est ça. L'inquiétude n'était pas la même, ce n'étaient pas les mêmes adversaires que l'on redoutait, mais il y avait cette crainte fondamentale du développement de la grande propriété aux dépens des petites exploitations, de la grande ferme aux dépens des petites unités territoriales. Est-ce que vous... cela dans notamment dans les campagnes du grand interland parisien, la Beauce, le Beauvaisis, l'Abri, où la grosse propriété tendait évidemment, sous l'Ancien Régime même, à absorber la petite propriété. Et dans chaque paroisse, dans chaque communauté, quelques gros possesseurs, quelques coulacs de campagne tendaient évidemment à faire la loi. D'ailleurs, si on se porte un instant dans l'entre-deux-guerres en France, au temps des chemises vertes, dont nous reparlerons tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de révoltes paysannes aussi dans ces régions-là contre les grands propriétaires. Mais restons au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. J'ai le sentiment à vous lire que vous pensez, vous démontrez que la campagne est finalement moins rébelliogène, comme vous dites, que les villes. C'est parce que c'est dans les villes qu'il y a le plus de révoltes. C'est dans les villes qu'il y a le plus de révoltes. Les villes sont des lieux de palpitations sociales extrêmement concentrées, bien entendu. Les problèmes alimentaires y prennent immédiatement beaucoup d'importance. Les populations ne disposent pas de réserves et la solidarité agit de façon encore plus immédiate. Donc tout naturellement, enfin l'information circule également beaucoup plus vite. Donc les quartiers se soulève, s'enflamme très rapidement lorsque on a le sentiment que l'autorité s'exerce de manière abusive, que la police menace les mendiants. Il y a des solidarités qui jouent à ce moment-là pour la défense des plus pauvres. La ville est en effet ce lieu rébelliogène. Mais les campagnes ne sont pas tranquilles, ne sont pas calmes, ne le sont jamais. Les mouvements, ils sont moins amples en somme, parce que on découvre à vous lire que il rassemble souvent des foules assez limitées. 50 personnes, c'est déjà beaucoup. 50 personnes, c'est déjà beaucoup. Il y a quelques grands phénomènes contestataires tumultueux qui ont mis en mouvement des milliers de personnes dans les campagnes. Et les fameux croquants périgourdins de 93, les vignerons dijonnais de 1632. De 1632, les taravisés dans les années 1707-1709 dans la région du Quercy, que Yves-Marie Berset a si bien étudié. Donc il y a eu des mouvements de grande ampleur également dans les campagnes. Il faut envoyer les troupes royales pour en avoir. Oui, il faut envoyer les troupes royales et l'agitation peut se prolonger sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois. Les Pitot, les Gautier, les Vanupier qui donnent la chasse aux hommes du fisc. Bien sûr, ce sont là peut-être des époques un peu plus anciennes que celles que j'ai étudiées. Par la suite, d'autres mouvements et qui ont tout autre caractère ont pris l'allure de véritables guerres locales, mais un peu aberrant aux yeux des historiens, comme évidemment la guerre des Camisards dans les Cévennes dans les années 1703-1705. Là, il y a une dimension religieuse que vous estimez être finalement assez rare dans votre dénombrement. Qui sont très rares. Enfin, le phénomène de cette ampleur est tout à fait exceptionnel. Il y a d'autres réactions de type religieux qui sont dignes d'intérêt. Non seulement pour les affaires protestantes, mais pour également le mouvement janséniste, n'est-ce pas, et c'est plus limité, c'est plus réduit, ça n'est pas moins extrêmement significatif, et ça dénote là aussi un état d'inquiétude collective et une exigence morale fondamentale. Mais alors, si on considère l'ensemble de ces rébellions, on constate qu'à partir de Louis XIV, elles sont moins massives, mais que la résistance prend d'autres formes. Elle ne donne plus tellement naissance à des événements aussi considérables en extension et en durée, mais éclate en somme en crise incessante. C'est ça, un crépitement contestataire. Une réaction, une sensibilité extrême dont témoigne l'opinion populaire. Il y a là quelque chose de très caractéristique, ce sont des dizaines, des centaines parfois d'émotions, comme on disait alors, d'émotions populaires, ce sont des rébellions, d'émotions populaires qui se déclenchent et qui s'enchaînent. Vous allez très fin dans votre étude, puisque vous intégrez tous les cas où au moins 4 individus n'appartenant pas à la même famille se trouvent impliqués. Vous allez vraiment chercher les moindres frémissements. Oui, il nous a semblé qu'il fallait descendre au niveau de la peine perceptible, si vous voulez, pour essayer de découvrir les réactions de l'opinion. Mais 5 ou 6 individus qui s'attaquent à un grenier ou qui s'attaquent à un charretier seigneurial, c'est-à-dire à la maison ou au local où le seigneur enferme ses titres de possession, qui s'emparent de ces documents, qui y mettent le feu, voilà un événement tout à fait considérable. Et symbolique en même temps. Parce qu'au fond, extrêmement symbolique. Je ne sais pas combien il y avait de paysans qui ont démonté le fameux McDonald's de Millau, mais il ne devait pas être tellement plus nombreux que ceux de votre époque qui attaquaient les chartriers. Et le retentissement de ces actions est toujours très considérable. Il y a une espèce de répercussion de bouche en bouche à l'occasion des rencontres, de foires, de marchés encore une fois. L'opinion paysanne est une opinion bavarde. On pense qu'il s'agit d'un peuple muet, on le croit quelquefois, c'est faux, n'est-ce pas? La paysannerie parle, il y a un discours constant. Et des événements de ce genre, évidemment, faisaient sensation. Bien avant la télévision. Bien avant la télévision. Enfin, il y a une espèce de média spontané, n'est-ce pas? De système médiatique spontané qui fonctionne avec énormément d'efficacité. Mais les archives n'en ont pas conservé la trace. Tout de même, vous en évoquez plusieurs, ce côté stratégie de commando, enfin recours à la force physique, ça frappe beaucoup à vous lire. recours à la force physique, bien entendu. Ça fait partie d'une espèce de liturgie de la contestation, n'est-ce pas ? C'est pas seulement des cris et des paroles, ce sont des gestes, ce sont des démonstrations, c'est la violence. Hein, c'est un rituel. Un rituel qui vise à produire sur le public un effet d'entraînement et qui vise à produire évidemment sur les autorités une prise de décision et une réaction. Cette violence, vous la retrouvez constamment. Il faut bloquer les transports en affrontant des vigoureux voituriers bien armés. Il faut arraisonner les barques, charrier les cargaisons, enfoncer de solides portails. C'est vraiment et en même temps, à côté de ces hommes très vigoureux, il y a beaucoup de femmes et d'enfants. Beaucoup de femmes et d'enfants. Beaucoup de femmes dans les affaires de subsistance, justement, lorsqu'il s'agit du pain, lorsqu'il s'agit de la cherté. C'est leur rôle, bien entendu. Il s'agit de nourrir la famille. Les enfants sont là également. Elles sont au premier rang. Les hommes les encouragent, d'ailleurs, et les soutiennent. Elles sont là d'autant plus, elles s'exposent d'autant plus souvent que tout de même la justice est moins rigoureuse à leur encontre et que les châtiments qui leur sont réservés sont beaucoup plus modérés. Donc elles ont une espèce de franchise, si vous voulez, dans l'action. De même dans les affaires de contrebande, elles sont également présentes, ah oui. Notamment au moment des rescousses. Lorsqu'il s'agit de libérer un contrebandier arrêté. Rescousse, c'est quoi ? La rescousse, un contrebandier est arrêté, les gardes l'accompagnent, il est bien encadré, n'est-ce pas ? On le conduit dans les chemins et à travers les rues du village, mais tout le village, à ce moment-là, surgit avec les armes traditionnelles et les outils et les pierres de toujours, et pour évidemment libérer... l'homme arrêté. Et ces formes de solidarité sont évidemment très, très contemporaines aussi. Formes de solidarité très contemporaines. Vous nous dites que la répression tend à diminuer de violence à travers votre période au XVIIIe siècle. C'est vrai que quand on retrouve des lettres de Madame de Sévigné sur la révolte en Bretagne, on est très stupéfait par cette sorte d'indifférence à l'égard de la répression très vive envers les paysans révoltés. Oui, on a un peu le sentiment que le pouvoir baisse les bras, n'est-ce pas ? À mesure que le siècle avance. Le 18e. La violence répressive était extrême au temps de Madame de Sévigné, bien sûr, au temps de la révolte bretonne de 1675, la fameuse révolte du papier timbré, dont on n'arrivait pas à comprendre à cette époque-là les motivations. Ça paraissait tout à fait fantasmatique, incompréhensible, en fait aberrant. Et Madame de Sévigné parle dans une de ses lettres de ces pauvres paysans bretons qui ne comprennent même pas ce qu'on leur veut, ni les termes de l'accusation et de la condamnation, et de ces grappes de pendus qui, évidemment, apparaissait à l'horizon. Il y a moins de grappes de pendus sous Louis XV et Louis XVI. Non, il n'y a plus de grappes de pendus sous Louis XV et Louis XVI. Et on condamne, il y a des condamnations, beaucoup moins nombreuses. Reprenons l'affaire de... Oui, alors, un condamné, deux condamnés. Deux condamnés qui, évidemment, à titre exemplaire, ils sont pendus pour l'exemple. Alors prenez l'exemple de Toulouse en 1747, il y a eu de très grosses émeutes de subsistance, bien entendu, 3 ou 4 000 personnes, enfin c'est la ville, bien sûr, ce n'est pas la campagne, mais enfin les campagnes sont là, toutes proches, et tout le monde est informé, deux condamnations, deux pendus aux portes de Toulouse. Mais c'est la foule qui afflue alors au pied des potences, et qui considèrent évidemment les victimes comme des saints de la misère. On leur arrache leurs vêtements, on se les partage, on s'en dispute les morceaux, et même des lambeaux de leur corps comme des talismans, comme des protections. Donc il y a là, si vous voulez, un autre sentiment public, et le pouvoir a conscience sans doute de l'inefficacité d'une répression violente. Est-ce que la violence diminue aussi au cours du XVIIIe siècle, parallèlement à la diminution de la répression elle-même ? Je ne crois pas que la violence ait diminué. Les foules sont toujours aussi nombreuses. L'exemple de la guerre des farines du 1775, au temps de Turgot, est tout à fait éloquent à cet égard. Ce sont quand même des milliers de personnes dans tout le bassin parisien qui se lancent à l'assaut des greniers, des marchés, qui pillent les réserves et qui poursuivent et qui menacent les accapareurs ou qui imposent aux municipalités la taxation des prix contre la cherté. Donc, avec tout de même beaucoup de menaces et de véritables violences. Ce ne sont pas des massacres, mais c'est une expression, c'est une gestuelle quand même extrêmement spectaculaire. La guerre des farines nous éclaire sur une mutation, c'est-à-dire sur une certaine politisation des événements. Le gouvernement, dans ses réformes, vous parliez de Turgot, trouve en face de lui des réactions collectives. Ce ne sont plus ces émotions dispersées nées de la crainte de la famine dont vous parliez il y a un instant. Mais avant d'y venir, je voudrais, puisque nous avons beaucoup parlé de José Bové, qui est devenu un symbole renforcé par la prison, c'était moins grave, heureusement pour lui, que la potence. José Bové, qui, au sommet de l'OMC de décembre 1999, s'exprime de la sorte. Nous allons pouvoir découvrir quelle idée il se fait de l'histoire de la paysannerie, comment il s'efforce de la faire servir à son combat. Le premier qui a énoncé ça, c'est Bernard Lambert, quand il a dit « Plus jamais les paysans ne seront des Versaillais, plus jamais les paysans ne seront contre ceux qui veulent changer le monde ». Je crois que c'était vraiment une intuition forte, et c'était un acte fondateur d'une autre façon de mener les luttes de manière non corporatiste. Et c'était en même temps renouer avec des tas de luttes paysannes, mais qui étaient ignorées dans la société, parce que la seule histoire populaire qui était véhiculée, c'était l'histoire du monde ouvrier. Or, il y a eu des luttes paysannes fortes en France, il y a eu des luttes paysannes importantes. Elles n'étaient pas connues. Il y a eu des luttes, par exemple, même d'ouvriers agricoles en 1936, qui ont occupé les fermes du bassin parisien pendant la moisson. Eh bien, Léon Blum a envoyé la police pour évacuer les fermes pour que la moisson se fasse. Et ce sont les chemises vertes qui ont fait la moisson. Les chemises vertes qui étaient donc les types de dorgères, qui étaient les types d'extrême droite, qui ont aidé ces paysans à moissonner contre les ouvriers agricoles qui avaient été évacués par Léon Blum. C'est terrible, ça. Ça, on le dit pas. Et il y a eu des grandes luttes en 1946 des fermiers pour obtenir le statut du fermage, pour que le fait, quand on était locataire, on puisse pas être foutu dehors par son propriétaire du jour au lendemain. Il y a eu des bagarres terribles dans tout le centre de la France, dans l'Ouest, contre des châtelains, contre des petits obereaux, contre des maquignons. Ça, ce sont des luttes qui ont été très importantes et qui ont amené le statut du fermage, qui a été une victoire du paysan, qui a permis de dire on peut être gérer son outil de travail sans être propriétaire. Et le statut de locataire est aussi fort que le statut de propriétaire. Ça, ce sont des acquis sur une autre conception de l'agriculture, sur la mise en valeur de l'usage collectif contre la propriété privée. Et la propriété privée, ce qui donne le côté réac du paysan, l'image qu'on a voulu en donner, c'est une création de la Ve République de Gaulle, avec la création de la politique agricole commune de 1957 et ensuite les lois de modernisation des années 60 avec Pisani. C'est-à-dire, si le paysan achète sa terre, il est obligé d'emprunter au Crédit Agricole. S'il est obligé d'emprunter au Crédit Agricole, il est obligé de produire plus. Et quand il produit plus et qu'il emprunte, et ben, il est obligé de rentrer dans un moule et dans le système qu'on lui donne. Et ça, c'est terrible. Voilà la vision de l'histoire récente par José Bové et l'histoire ancienne, Jean-Nicolas. Il faut au moins faire deux corrections. D'abord, rappeler que Léon Blum, en effet, a été amené à rétablir un certain ordre dans les campagnes, mais qui n'avait aucune connivence avec les chemises vertes, cette sorte de fascisme rural emmené par Dorgère. Je parle des années 36, 37, 38, et que c'est le même Léon Blum qui a créé l'Office du blé, qui est le premier effort d'intervention de l'État au profit pour servir un meilleur niveau de vie des agriculteurs. Et puis, d'autre part, daté du début des années 60, de la Ve République, le goût de la propriété privée chez les paysans, ça paraît également discutable. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est cette vision des relations entre paysans et mouvements, paysans et conservation. Ce ne sont plus des Versaillais, dit-il. Sur la longue durée, est-ce qu'on peut considérer que dans les années du XVIIIe siècle, sous Louis XV, sous Louis XVI, les paysans étaient une force de conservation ou une force de mouvement au moment où on va vers la Révolution française? C'était une force de mouvement. Sans aucun doute, et en particulier en ce qui concerne la mise en cause du système seigneurial, donc qui aujourd'hui peut-être n'a pas hors jeu, bien entendu, mais la mise en question du fief, la mise en question des droits seigneuriaux, la mise en question des justices seigneuriales, et fait partie du combat paysan à cette époque-là. Enfin, c'est une guerre sociale ou pas? C'est une le mot est sans doute trop fort, mais enfin c'est bien tout de même, mais il faut s'entendre. Hein. C'est un esprit de révolte et non pas de révolution. Le révolté donc affirme la limite qu'aucun pouvoir social ou politique n'a le droit de franchir, tandis que le révolutionnaire évidemment veut changer le système. Ça renvoie au mot fameux de Louis XVI, c'est une révolte, non sire, c'est une révolution. Oui, mais c'est le contraire. Cette succession de révoltes renvoie à l'exigence d'un droit à l'existence, n'est-ce pas, d'un droit à la propriété tout de même, à la propriété privée, dégagée des contraintes du fief, un droit supérieur à tout autre droit public ou privé. Dès la fin du règne de Louis XIV, le fameux hiver terrible de 1709, où il a fait si froid, où les prix des denrées ont monté, sont envolés, six fois plus élevés que deux ans auparavant, où le cycle pénurie, cherté, émeute s'est mis en place, où tout le monde a eu faim, on a déjà quelque chose comme l'impression d'une guerre sociale, non ? On a l'impression, d'une guerre sociale. Enfin, c'était évidemment la hantise des riches, n'est-ce pas ? Que deviendrons-nous si, de tous côtés, les campagnes se soulèvent, si le tocsin n'arrête pas de sonner, si on s'attaque aux propriétaires, aux marchands, aux maquignons, aux accapareurs ? C'est une hantise globale, mais par élan, par flambée. Ensuite, les craintes retombent. Vous citez un placard qui est affiché à Abbeville sur les murs de l'hôtel de ville en 1709, qui a un ton qui me paraît pouvoir approcher certaines violences d'aujourd'hui, au moins verbales. Je le cite. « Messieurs de la police, vous êtes avertis de la part de tous les menus peuples qui sont au nombre de 6564 personnes, qui travaillent nuit et jour, nous mourons de faim. Nous sommes obligés de vous commander absolument de taxer le blé et le pain à un prix raisonnable, ou à faute de quoi, nous allons sortir de nos maisons comme des lions enragés, les armes d'une main et le feu de l'autre, que nous vous réduirons tous en poussière, de telle sorte que de vivant d'homme, on n'aura jamais parlé d'un tel carnage. » Donc j'ai tort de dire qu'on pourrait trouver ça dans la bouche de José Bové. Oui, enfin ce sont des paroles extrêmes, bien entendu. Qui a été le scripteur ? On peut se le demander, sans doute pas le petit métayer de Picardie. Il y a des bourgeois intermédiaires. Il y a en effet les niveaux intermédiaires. Il y a des toutes petites élites rurales qui étaient capables de manier la plume et qui étaient capables d'avoir non seulement des sentiments et des idées et des formules. Ce sont des, encore une fois, les autres aussi, tout de même, ils devaient avoir des sentiments. Pardon ? Les petits aussi devaient avoir des sentiments quand même. Oui, et ils avaient beaucoup plus de mal à les exprimer de cette manière et dans cette rhétorique. Bien entendu. Mais enfin, on ne réalise pas encore. On s'effraie dans l'immédiat, les riches et les puissants s'effraient dans l'immédiat et s'inquiètent, bien entendu, mais ne voient pas le problème politique véritablement posé. Au moment de la guerre des farines, ça a changé. Ça a changé terriblement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Vous relevez 123 émeutes distinctes qui font, comme vous le dites, un gros bloc rébellionnaire, la guerre des farines. La guerre des farines. Et c'est à cette époque-là que Turgot parle de l'état de guerre habituel de toutes les parties de la société, les unes contre les autres. Voilà donc des formules également tout à fait impressionnantes. Comment on est arrivé là ? Comment est arrivé là ? Évidemment, il y a une poussée démographique en France, une population plus nombreuse, une production agricole qui ne s'est pas développée dans les mêmes proportions. Il y a aussi sans doute la montée de petites élites rurales. Il y a les petites écoles qui ont été ouvertes. Il y a une série de paysans évolués qui prennent la parole, qui n'ont peut-être pas réussi à se caser ailleurs, en ville, où ils briguaient quelques emplois. Ils sont au village. Il y a les militaires qui ont une expérience également du monde et de l'ailleurs. Et les militaires ou anciens militaires sont très présents dans toutes ces rébellions, tant aussi bien contrebandiers que leaders d'action au moment de la cherté. Très souvent, on rencontre là d'anciens soldats, encore une fois, des gens qui ont une autre expérience du monde. Et un autre langage. On est arrivé là par cette poussée démographique, par cet enrichissement relatif, un certain mieux-être tout de même, qui débloque un petit peu la vie quotidienne et qui contribue à ouvrir les esprits. C'est peut-être par là que cette période est plus intéressante que la précédente pour la comparaison avec aujourd'hui, puisqu'on peut considérer que les agitations naissent de l'effet de la modernisation de l'agriculture française, l'essor de l'économie de marché qui contribue à aggraver les situations à l'échelle locale, qui dérégule le commerce des céréales. L'écho par rapport à aujourd'hui est plus fort probablement que celui que pourraient trouver les révoltes du temps de Louis XIV. Il y a une parenté évidente, c'est le déblocage des campagnes, l'ouverture des marchés, une circulation des marchandises beaucoup plus active, tout ce que prônait l'école physiocratique, n'est-ce pas, enfin cette espèce d'ouverture générale a contribué à d'une part à déstabiliser les campagnes et à ouvrir l'esprit public d'une manière ou d'une autre. C'est le combat entre vieil arsenal protectionniste et l'idée du tout au marché, c'est actuel, non ? Voilà. Et une partie de la paysannerie réclamait le maintien des protections et s'inquiétait de la dérégulation du trafic et des marchés, des marchés urbains. Les marchés urbains, à partir des années 1770, étaient totalement ouverts, sans contraintes, hein, sans taxation, sans fixation des prix. On laissait désormais les marchands s'emparer les premiers des produits, avant même la clientèle, avant même le public. Donc une inquiétude générale, ce sont les marchands qui font la loi, ce sont les marchands qui fixent les prix. Tout ceci a contribué, comme aujourd'hui, dans quelque sorte, enfin l'ultralibéralisme contemporain est pour beaucoup dans l'inquiétude collective. Ce rebond, cet écho vous frappe entre votre XVIIIe siècle et notre contemporain? Oui, on attend tout de même de l'État et des autorités qu'elles soient réellement protectrices. Sur cette réaction, parfois un peu crispée et en même temps respectable, de l'agriculture traditionnelle contre le grand mouvement du siècle, ce désir d'être protégé, on peut, à propos de cela, on peut évoquer le moment des révoltes des années 60, 1960, au début des années gaullistes, où il y a eu une vraie contagion de refus de la modernisation. Avant Edgar Pisani, qu'évoquait José Bové tout à l'heure. Je vais vous faire entendre une archive, Jean-Nicolas, qui remonte à juin 1961. C'est l'époque des révoltes bretonnes, toujours la Bretagne, avec Gourvennec, avec Bernard Lambert, député MRP élu en 58 et devenu un leader paysan. Il est 15h30 et des dizaines de manifestants paysans, pour ne pas dire des centaines, défilent maintenant devant nous. Ils sont tous maintenant munis de bâtons. Ils ont des pancartes, ils défilent en silence, vous les entendez, mais ils ont tous des bâtons plus ou moins gros. Derrière nous, juste derrière nous, les CRS, l'arme à la bretelle, ont maintenant pris position. Il fait chaud, il fait très lourd, l'atmosphère est pesante, et évidemment, on ne sait encore pas comment vont tourner les événements. Nous sommes à proximité du tribunal, et maintenant, la rue est absolument pleine de manifestants. Nous avons devant nous une véritable levée de bâtons. Les manifestants crient. Nous sommes évidemment assez loin car la rue est pleine et nous pouvons difficilement approcher. Ces messieurs ont préparé une motion. Je vous la lis. Motion présentée par les présidents des syndicats du canton de Plouay au nom des agriculteurs du canton. Un millier de cultivateurs du canton de Plouay réunis le lundi 19 juin à Plouay, manifestent leur mécontentement devant l'indifférence des pouvoirs publics à leur égard, expriment leur entière solidarité avec leurs amis finistériens emprisonnés, réclament leur libération immédiate et exigent enfin la mise en application de la loi d'orientation agricole. En plein XXe siècle, nous refusons de revenir au temps pénible de la féodalité. Nous demandons des prix rémunérateurs de nos produits et une politique agricole qui nous permette de vivre honnêtement. Vive la paysannerie bretonne, vive la France. On était là, Jean-Nicolas, on était là le 19 juin 1961. Il y a toujours le thème du retour à la féodalité. La féodalité, c'est ceux qui sont là pour nous opprimer, pour nous empêcher de vivre. Enfin, c'est extrêmement simple, n'est-ce pas ? C'est une exigence, une menace constante contre les humbles et contre les faibles. Et puis les prix rémunérateurs. et l'exigence de prix rémunérateurs, bien entendu. C'est alors là, c'est plutôt ça nous conduit un peu loin des émeutes de famine de l'ancien régime. C'est plutôt le désir d'être bien payé, bien rétribué de son effort. C'est ça. Ce sont des émeutes de producteurs et non plus des émeutes de consommateurs, ce qu'étaient évidemment les émeutes de famine de l'ancien régime. On veut être payé de son effort, on rejette les prélèvements fiscaux, étatiques, et on demande une fois encore de juste prix. Donc vous avez le sentiment que ces révoltes, ces protestations vieilles de plus de 40 ans, en 1961, sont plus proches d'aujourd'hui que de votre 18e siècle? Oui, il y a une espèce de, malgré tout, de continuité dans la tradition. Quelle continuité? Il y a une culture contestataire qui demeure et qui se nourrit de tous ces souvenirs. Tous ces souvenirs qui sont des souvenirs transmis par la tradition locale, mais transmis aussi par l'école, par l'éducation républicaine, de celle de l'école laïque, celle de la Troisième République, qui a entretenu en quelque sorte une tradition contestataire. Ah oui, on voit toujours les vignettes dans le manuel du Petit Lavis avec les femmes qui viennent réclamer à Versailles du pain au roi et à la reine. Bien sûr. En 89. Oui, et le paysan baudé, courbé sous le poids du seigneur précisément et de l'abbé. Les classes oppressives, c'est la vision évidemment classique de 89. Une grande différence, c'est aussi la question de l'organisation paysanne. Parce qu'au fond, vous montrez bien dans votre livre, Jean-Nicolas, que ce sont largement des mouvements spontanés. Il y a des chefs qui peuvent provisoirement émerger, mais ce n'est pas un système structurellement durable. Ce n'est pas un système structurellement durable, mais la spontanéité est quelquefois trompeuse. En réalité, dans bien des cas, le problème qui inquiète les populations est posé et traité par la voie judiciaire. Il y a cette revendication insistante qui passe d'abord par une recherche de transactions à travers le recours en justice. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des chefs. Là, il y a quand même des animateurs. Il y a eu quand même des plaintes, il y a eu quand même une défense organisée et un procès qui peut traîner pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui n'aboutit pas, mais qui entretient cet esprit contestataire, cette revendication. Là, le rythme de la répression judiciaire dans le cadre de la Confédération paysanne s'est quelque peu accéléré aujourd'hui. Oui, mais il y a aussi une mémoire, n'est-ce pas, et une tradition. Il y a les emprisonnés, il y a ceux dont on réclame la libération. On vient de le voir à propos des affaires de Bretagne en 1961. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de rupture. Il y a une continuité entre la contestation profonde menée par des voies régulières, si vous voulez, dans un esprit réformiste, et puis l'explosion brutale. Il se trouve que on aurait peut-être pu éviter, dans certains cas, d'en arriver à cette rupture. Ce n'est peut-être pas dans la tradition française. C'est ça qui est assez curieux. Ça conduit pour finir probablement à s'interroger sur la réaction des pouvoirs publics, des autorités, autrefois et à présent. Comment est-ce que ceux qui sont en charge de maintenir en place le système politique répondent à ces défis? Comment le font-ils, par exemple, au XVIIIe siècle? Ils cèdent, vous nous dites qu'ils cèdent dans le cas de Turgot, les physiocrates, les partisans du libéralisme, du laisser-faire, laisser-passer, finissent par s'incliner devant les protestations collectives de la paysannerie. C'est ce qui s'est passé, et ça n'a pas suffi d'ailleurs pour apaiser les esprits, parce qu'il y avait tant d'autres motifs d'inquiétude à cette époque-là. Enfin, une relative souplesse, mais enfin qui n'a pas joué dans tous les domaines. Au plan seigneurial, par exemple, et c'est quand même fondamental. Il ne faut pas oublier que l'année 89, c'est l'année de la grande peur, l'année de l'attaque des châteaux. Au fond, l'événement le plus spectaculaire de l'année 1789, ça a été l'offensive de la paysannerie contre la seigneurie, contre la féodalité, contre les châteaux. N'est-ce pas? Ça n'a pas été les émeutes de subsistance, ça n'a pas été les affaires de salaire, les affaires de réveillon, etc. Ça a été l'attaque des châteaux, autrement dit la mise en cause de la féodalité. Et de ce point de vue-là, la monarchie française n'avait rien cédé. Et ça a été évidemment sa très grande faiblesse, son très grand échec, si vous voulez. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la capacité de compromis, de négociation du pouvoir républicain est plus grande avec les frustrations qui s'expriment L'est-elle véritablement en lieu, certains qui parlaient hier de fracture sociale, se tuent à répéter aujourd'hui que la culture de l'affrontement, qui est une culture typiquement française, est anachronique et handicapante, bien sûr. Donc, tente à rejeter ces appels. Tout se passe dans ce pays comme si le dialogue ne pouvait s'ouvrir qu'une fois établi un rapport de force. C'est là qui est tout de même assez étonnant. Qu'une fois établi un rapport de force préalable à toute véritable concertation. Bon, je crois qu'un pouvoir qui cède à la contestation n'a pas forcément raison. Un pouvoir qui affronte la contestation n'a pas toujours tort, après tout, mais au moins qu'il tienne compte du phénomène et qu'il en tire les conclusions et qu'il s'engage plus vite dans la voie des réformes nécessaires. C'est en somme la leçon que vous tirez de votre étude à la fois ample et minutieuse des rébellions françaises, des rébellions rurales dans l'Ancien Régime, par comparaison avec aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Le livre sur lequel j'ai fait largement fond pendant cette conversation, votre livre, Jean-Nicolas, s'appelle « La rébellion française, mouvement populaire et conscience sociale, 1661-1789 ». Si on peut naturellement lire votre livre comme une étude qui offre d'amples synthèses et des réflexions pluriséculaires, il y a une autre manière d'en tirer profit qui peut intéresser nos auditeurs, c'est d'aller se servir de l'index des lieux qui montre l'incroyable ampleur de vos investigations dans les archives nationales et départementales et où beaucoup pourront retrouver le lieu où ils vivent ou la région de France avec laquelle ils ont des liens pour y redécouvrir ce qui s'est passé, les émeutes, les émotions, les mouvements divers qui, pendant les derniers siècles de l'Ancien Régime, ont parcouru notre pays. Je voudrais signaler aussi que vous êtes sur le point de rééditer votre grande thèse, en nous l'évoquant en commençant, sur la Savoie au XVIIIe siècle, aux éditions La Fontaine de Siloé, à Montmélian, qui va apparaître dans quelques jours. C'est un ouvrage où vous démontriez que tout ne passait pas par la rébellion, en somme. Oui, tout ne passe pas par la rébellion. L'immense mérite de la monarchie éclairée de Turin, à l'exemple d'autres pouvoirs de cette Mittel-Europa, et d'avoir compris que la modernisation passait par la réduction des privilèges, passait par la prise en compte d'une revendication collective et par un certain libéralisme. Ce travail, de ce point de vue-là, fait une sorte de pendant à votre étude de la rébellion. D'un côté la réforme, de l'autre la contestation. Donc, inséparable. Si je comprends bien, vous conseilleriez volontiers à nos dirigeants d'aujourd'hui, à notre Premier ministre, à notre ministre de l'Agriculture, de lire plus encore la Savoie au XVIIIe siècle que le livre sur la rébellion pour pouvoir y trouver les voies et les moyens d'une vraie négociation collective. De s'inspirer plutôt de Turin que de Versailles. Plutôt Turin que Versailles. Ben c'est une leçon que nous transmettrons à qui de droit. J'ai aussi évoqué le temps des chemises vertes. Il y a un livre que je voudrais recommander à nos auditeurs qui est celui de Robert Paxton. Robert Paxton, le célèbre historien qui a tellement renouvelé dans les années 70 notre connaissance du régime de Vichy et qui depuis lors s'est intéressé aux révoltes paysannes et au fascisme rural entre 29 et 39. Il en a tiré un livre qui est paru dans l'univers historique, la collection L'univers historique, au Seuil, où il montre bien, de ce point de vue-là, la permanence à la fois des mouvements collectifs et de l'effort plus ou moins maladroit d'un certain nombre de leaders pour les encadrer au service de finalités plus directement politiques. Robert Paxton, Le temps des chemises vertes. C'était Concordance des temps. Une émission de Jean-Noël Jeannet avec la collaboration d'Agnès Chauveau et aussi pour la réalisation de Patrick Molinier, pour la prise de son de Guy Senot, documentation Vanina Profisi et Yaël Mandelbaum et pour les archivina Florence D'Artois et Véronique Jolivet. Thank you.